بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما موضوع الدرس الماضي؟ أقرب. على الأخبار. الأخبار نعم. وما المقصود بالأخبار هنا؟ سي كوا كي فولي بار الأخبار؟ وردي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من القول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم. طيب وما يتعلق بفعله ذكرنا أقساما كذلك هل تذكرها؟ سافا كاتيغوري دي شوز كي سون لي عندي دي انواع كي سون لي سي افعال سي زاكت ذكرنا خمسة انواع دي شوز كي سون لي سي زاكت les raisons pour lesquelles il a fait certains actes. On avait dit Awel ma fa'alu bi muqtada al-jibillah, ce qu'il a fait de façon naturelle, de son proche naturel, comme la nourriture, les goûts, tout ce qui est lié au goût, genre de choses. Ça, ça n'a pas de hukm. On n'en tient pas un hukm. En deuxièmement, on avait dit ce qu'il avait fait par rapport au ada, aux coutumes. On a dit ça, ce qu'il a fait dans les choses qui étaient spécifiques à lui. Alors, on a dit le khususiyya. Après, on a dit Rabir, ce qu'il a fait, ta'abboudan. Les choses surrogatoires qu'il a fait de lui-même. Et Zakarna, les choses qu'il a fait pour faire un bayen d'un Paul Mujmel. Et là, Tambi, par rapport au qism, non, à l'awwal, au thani, ce qui est fait, lié par rapport au prochain naturel et aux coutumes. Celui qui l'est fait, yani ta'assiyan bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yujar ala zalik. Par exemple, demain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est coiffé d'une certaine façon, de lui-même. Quelqu'un qui verra faire cette coiffure-là, pour lui ressembler, pour suivre ses traces, en sera récompensé pour sa niya. On ne dit pas c'est une sunna. Quand par exemple, des gens pensent qu'avoir les cheveux longs, c'est une sunna. Ou faire une remue de la tête, c'est une sunna. Ou réle zalika. Ce sont des choses, ce ne sont pas des sunna en soi. Ça rentre entre Muqtada al-Jibillah ou Al-Ada. Car les Arabes, ils faisaient cela aussi. Mais ça, l'imama, à rentrer dedans, porter l'imama. Après, c'est devenu justement une sunnah, mais à la base, c'est une sunnah des Arabes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a adopté et qui a fait partie des sunnahs de l'islam. Celui qui porte une imama pour ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est récompensé. Car ton âme, il porte des imamas, car c'est une coutume de leurs ancêtres. Pas par rapport à la sunnah. Il se peut même que tu aurais vu des mouchtikoun, ils portaient l'imama, par exemple. Donc là, il faut que tu nies à ce moment-là pour avoir le hajj. Par rapport à ce que tu m'as cité, par rapport au tawatur, khabar ahad wa tawatur, je crois qu'un détail que je n'ai pas précisé, c'est que le tawatur, pour qu'il soit considéré comme mutawatiran, faut pas que ce soit à la wajh al-naql, lakin à la wajh al-shahada. C'est-à-dire ce tawatur, le khabar mutawatir qui est rapporté par un grand nombre de gens. Il faut que ce soit des choses que ces gens-là ont vues eux-mêmes, ont constatées eux-mêmes. Ce n'est pas par exemple, deux personnes ont vu une chose, après le propage, tout le monde le propage, on dit c'est mutawatir. On dit non, ce n'est pas ça mutawatir. Mutawatir, c'est que plein de gens étaient là, ont vu la chose, ou l'ont entendu, ou l'ont touché, ou l'ont senti, une chose qui est marsous. Et ça, tawatir. Après, une fois que c'est propagé dans, auprès de tout le monde, là, c'est plus tawatir, là, c'est nakl. Tawatir, c'est plein de gens ont vu cette chose-là, et qu'il soit impossible qu'il l'ait vu, ou qu'il l'ait entendu, ou qu'il l'ait senti, ou qu'il l'ait, par rapport aux choses qui sont liées au sens, et que ces gens-là, il soit impossible qu'ils soient réunis sur un mensonge. Ça met le trou de Jihad Mourtalifa. Après, si ça se propage à grande échelle. Ça, ça rentre dans le meuble. Comme on l'avait dit, l'ada ou l'nakl, ou le tahammul. Tahammul, c'est comment prendre la chose, et l'ada, c'est comment la propager. Donc, le tawatir, c'est une chose constatée par un grand nombre de personnes en même temps. Ou ce n'est pas en même temps. Par exemple, ça peut être des choses entendues comme des sahabas qui ont entendu des hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacun a des moments différents, mais ils ont tous entendu le même hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tel hadith à tel sahabi, après un autre sahabi, après un autre sahabi, après un autre, tu vois, à des moments différents. Mais c'était très nombreux à l'avoir entendu. Ou des fois, il a dit un hadith, et c'était très nombreux à l'avoir entendu au même moment. Mais maintenant, demain, quelqu'un, il a entendu un truc, après le propage, et tout le monde le répète. Ça, c'est pas tawatir. طيب سنتروف في درسنا الجديد وهو الإجماع الإجماع ce qu'on appelle l'unanimité ou le consensus وهذا من الحجج الشرعية الإجماع c'est parmi les choses qu'on prend comme dalil dans la sharia c'est un dalil l'إجماع قال تعريفه لغتين العزم والاتفاق كما قال دي unanimité واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي سي le consensus des mujtahidin de cette umma c'est-à-dire les ulama qui ont atteint le stade de l'ijtihad après le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم après sa mort sur un jugement شرعي فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا نقعد معه الاجماع فلا ينقعد معه الاجماع donc maintenant il dit dans notre parole اتفاق cela exclut tout ce qui est tout ce qui comporte un khilaf une divergence ne serait-ce que d'une seule personne c'est un khilaf si demain il y a مثلا 10 ulama et sur les 10, 9 sont d'accord et 1 n'est pas d'accord, on ne dit pas qu'il y a ijma. Bien que certains ulama, eux, ils voient que cela, c'est chaz, comme Salam ibn Jarir, qui voit que si jamais un contredit les paroles des autres, un seul, il dit que c'est pas muqtabar pour lui. Il dit que c'est un ijma quand même. Lakin kalam wa sawab. Il y a des ulama, des fois, on dit ijma, alors que un a khalaf. ثم قال وخرج بقولنا مجتهدي ce qui exclut par le notre parole des mujtahidin c'est exclut les awam mukallidun فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم eux qui sont tous d'accord ou pas ça c'est pas en considération par exemple demain tu vois les gens dans une ville ils sont tous d'accord pour une chose مثلاً à l'inverse du alim qui est sur le qui est présent ou d'un talib qui est un mustawa On va dire, alors, votre ijma, il n'est pas muqtabar. Ce n'est pas un ijma, il fait chalir. Donc, les deux, c'est qu'on passe dans le stade de l'ijtihad. Fuma qala wa kharaja bi qawlina hadhihi al-umma ijma' ghayriha fala yuqtabar. On exclut par notre parole de cette communauté l'ijma' des autres communautés. Mathalan, Aden, les Nasara, ils font un ijma', nous, ça ne nous concerne pas. Les Yahoud, ils font un ijma', ça ne nous concerne pas. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا لان الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير donc là il a dit qui exclut par notre parole après la venue du prophète صلى الله عليه وسلم que tout ce sur quoi ils étaient d'accord lors de son vivant quand même c'est pas un ijma car de son vivant, on n'a pas besoin d'ijma, qu'elle est présente, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est là, le hujja, elle est là, en soi. L'ijma ne sert à rien à ce moment-là. Car personne ne se repose à son ordre. C'était impossible qu'un sahabi ne soit pas d'accord avec ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit. C'est pas possible. Wa lidhalika idh qala as-sahabi kunna naf'al wa kanu aw kanu yaf'alun kadha ala hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana marfu'an hukman wa la naqlan lil-ijma. Parce que les sahaba ils disaient nous faisions telle chose à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela on a pris ça, le jugement du marfou hukman. Et c'est pas un ijma. Car même il se peut que des sahabis, à une époque, aient su des choses et d'autres ne l'aient pas su. Il se peut que par exemple des sahabas disons faisaient cela et d'autres sahabas qui étaient à un autre endroit ne faisaient pas cette chose-là. Ça veut pas dire qu'il y a un khilaf. C'est-à-dire que eux, à ce moment-là, la hujja ne l'aurait pas parvenu. Mais à partir du moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était présent, il n'y a pas besoin d'ijma de toute façon. Donc, ce call-là, les sahaba, on faisait telle et telle chose à son époque, ça revient à quoi? Un hukm marfou. قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي فلم ادخل له هنا اذ البحث في اجماع كالدليل من ادله الشرع. Donc il a dit ici dans notre parole al hukm shar'i, le jugement légiféré, toute unanimité qui se produirait sur une chose basée sur la raison ou la logique ou autre, cela n'a pas sa place, car là on parle de quoi? D'un jugement légiféré. Par exemple, demain, on dit qu'il y a ijma des ulama, je sais pas moi, dans la médecine, des médecins, que telle et telle chose, masalan, apporte tel et tel résultat. Les taïeb, mais ça, c'est pas, ça n'est pas dans notre chalam. Là, c'est tout lié à la médecine. Par contre, on peut, par la suite, dire, s'il y a des nuisances, on pense tirer un jugement, dire ça, par exemple, c'est haram. Pourquoi? Car les médecins ont tous dit, cette chose-là est nuit, donc les ulama du chal, ils vont dire, donc ça, c'est haram. Par exemple. Ou si les médecins vont tous te dire, masalan, telle chose est profitable pour telle, telle maladie, les ulama vont dire, ça c'est mustahab, dans ton cas, d'utiliser telle, telle chose, car elle est profitable. Masalan. Mais en soi, la base, c'est pas le hukm shar'i. Le hukm shar'i, il vient tirer de, par la suite, du constat fait par les atibba. Fahim ta'ala? Taïb. Qal, wal ijma'u hujjatun li adillat. Donc l'ijma, comme on l'a dit, c'est un dalil en soi. L'ijma, c'est un dalil en soi. Parmi les adillah qui prouvent que l'ijma, c'est un dalil, qu'allahu ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Et de cette façon, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez des témoins sur les gens. Fakuluhu shuhada'a 'alan nas yashmalu ash-shahada 'ala a'malihim wa 'ala ahkam a'malihim wa ash-shahidu qawluhu maqbul. Donc là, ça inclut quoi? Le fait de témoigner de leurs actes ou des règles de leurs actes. Et là, dans ce verset, ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. C'est-à-dire que il était dit que yawm al-qiyamah, lorsque Nuh va venir, il lui sera dit, est-ce que tu as retransmis à ta umma? Il dira, j'ai retransmis. Et il dira, qui témoigne de cela? Il dira, la Umma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Car nous, dans le Coran, ça a été inscrit. Ça a été cité que Nuh, alayhi sallam, a parlé et a appelé son peuple. Qu'il est resté auprès d'eux, 950 ans, à les appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala. Inni da'atukum ilaylan wa nahara. Et là, comme on l'a dit, ça explique quoi? Par rapport aux autres personnes, c'est pas tout le monde. Également, dont le témoignage est accepté. Là, dans le verset. Matawasata, car dans ton communauté, il y a des gens qui sont égarés. Là, on vise quoi? Les gens du juste milieu. Et qui plus est, les mujtahidoun. Qala thani, un deuxième dalil. Qalu ta'ala, fa'in tanazartum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasoul. Si vous disputez en quoi que ce soit, vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Donc, ça prouve quoi? Que si jamais, après, il se met sur une chose, ce sera la vérité. Et sache une chose, qu'un ijma est forcément bâti sur un dalil. Un ijma, c'est pas le fruit d'un ijtihad. Un ijma est forcément basé sur un dalil. Et des fois on le connaît, des fois on le connaît pas. Thalithan, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami ummati ala dhalala. Que ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Ala ma'ruf. Et là, n'oublie pas, on a bien précisé, les mujtahidoun, de la umma. Car tu verras toujours des gens faire des choses marginales. Des choses qui peuvent les sortir de l'islam, ou d'autres non. Des choses qui font d'eux des mutadira, des choses qui font d'eux des foussaq, et des choses qui font d'eux réel et zalika, ma dernière ressort réel et zalika. Mais là, que tu ne verras pas, مثلاً, les mouchtaïdoun de cette umma, qui connaissent les règles de cette religion, s'unir sur un égarement. Thalithan. أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله فهذا من أكبر المحال La communauté s'unit sur une chose, cette chose sera soit véridique, soit fausse. Si elle est véridique, c'est un argument, c'est une hujja. Si jamais elle est fausse, cette chose-là, comment est-il concevable que cette communauté qui est la meilleure des communautés, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'époque de son messager sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'heure, puisse se réunir sur une chose que Allah n'agrée pas. Ça, c'est une chose qui est impossible. Même t'as dit. هذا مستحيل ثم قال بعد هذا انواع الاجماع les formes d'ijma qui existent الاجماع نوعان قطعي وظني un qui est قطعي décisif et ظني qui est basé sur on va dire une probabilité قال فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة قطعي C'est une chose qui s'est produite par la daroura. Mathalan, comme l'ijma', l'obligation de salawat, ou le tahrim du zina. Ça, ce sont des choses que personne ne nie. Hada shay waqi' bil daroura. D'ailleurs, celui qui viendrait avant cela licite, il en deviendrait quoi? Kafir. Hormis celui qui ne connaîtrait pas ce jugement-là. Un nouveau, mathalan, quelqu'un qui a grandi loin, ne connaît pas les ahkam du din, mais une fois qu'il l'a su, il n'y a plus de khilaf après. Donc ça c'est le qat'i, celui qui est bid-daroura, qui est connu. Des choses dans l'islam on connaît tous. Thumma al-dhanni ma la yu'lamu ilay bit-tatabu' wal-istiqra. Le dhanni, c'est celui qui est probable, c'est-à-dire qui n'est connu que en recherchant. En cherchant quoi dans les aqwals des ulama, c'est quoi leur avis de cette chose-là? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi imkan thubutihi. Wa arjah al-aqwal fi dhalika ray Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qala fi al-aqidah al-wasatiyyah wal-ijma' alladhi yanzabit ma kana 'alayhi as-salaf as-salih iz ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharat al-ummah. Donc, il se peut que les ulama aient divergé sur des points, ou plutôt qu'ils aient divergé sur le fait d'affirmer cet ijma. Tout en vont dire, il y a ijma, d'autres vont dire, non, il n'y a pas ijma. On a trouvé un khilaf dans la mas'ala. Donc ça, on va dire, c'est un zonni. C'est une chose, mathalan, que les ulama vont te dire, il y a ijma sur la mas'ala. Cheikh Foulan, yakoul, ijma fi hadi mas'ala. Tu te dis, il te rapporte plein d'aqwal de plein d'ulama qui dit ça. Tu te dis, mais, il y a éventualité qu'un autre alim soit pas d'accord. C'est arrivé plein de fois, des ulama ils disaient ijma, en fait, il n'y a pas ijma. Des ulama ils étaient connus pour avoir une forme de tasahul dans ce bab-là, comme Salan al-Nawawi. Souvent, ils apportent des ijma'at, et ils ne sont pas sahabita. Ou des fois, ils disent ijma, mais ils visent quoi leur mazhab? Ijma, Salan al-Shafi'iyya. Ou ijma, chez les Malikiyya. Ijma, chez les Hanabila. Ils disent ijma, mais ils visent là, par là, les gens de leur mazhab. Ce n'est pas un ijma de kulli les ulama. Al-Muhim, Cheikh l'Islam, dans cette mas'ala, il dit dans Al-Aqidah al-Wasatiyya, l'ijma' sur lequel on se base, c'est celui sur lequel étaient les salafs. Car après eux, quand même, les divergences sont multipliées et que la communauté s'est dispersée. Donc tu peux avoir un alim là-bas, un alim là-bas, un alim là-bas, tu ne connais pas forcément leur avis. Toi, tu vas connaître l'avis de plein de ulama. Et celui qui est là-bas, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il se peut que cette masala, ils ne sont pas d'accord. Donc là, il n'y aura pas ijma. Pourquoi là-dessus, on est très précis et on insiste parce que l'ijma, c'est un dalil. Quand on dit qu'il y a ijma, c'est-à-dire après, il n'y a plus à discuter. Ça équivaut au hukm d'un ayah ou d'un hadith sahih. Quand on dit qu'il y a ijma, il n'y a plus à discuter. Quand tu as un dalil, tu es obligé de le prendre. C'est pour ça que l'ijma, c'est une chose, c'est important de la connaître. Quand il y a un ijma sur une mas'ala, fi'alan, ijma thabit, t'as pas le droit de le rejeter et d'hésiter. Tu n'as pas le droit. Comme un verset ou comme un hadith. C'est un hukm shari'i. C'est un hukm shari'i. Après, fa'ida là, t'as ce qu'on appelle l'ijma al-sukuti. L'ijma al-sukuti. On en a parlé dans Tathir al-Yatikad. C'est le fait que des ulémas n'aient pas parlé. Avec la coudra de le faire. Quand même, est-ce que son silence veut dire qu'il est d'accord ou pas d'accord? Alors, plein d'ulémas, il parle sur le mas'ala, et lui, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Et il est en mesure de parler. Il y en a qui disent le fait qu'il n'ait pas parlé, ça veut dire qu'il est d'accord. Car s'il n'avait pas été d'accord, il aurait blâmé cette chose-là. Donc, c'est une hujja al-da'ifa. Donc, là, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'il est dit, man qala bil ijma' fa huwa kadhib. Ma yudrika la alaw mukhtalafu. Que celui qui dit, celui qui affirme un ijma, c'est un menteur. Tu ne sais pas, il se peut qu'il se diverge. Lui, à ce moment-là, il vise quoi? L'ijma al-sukuti. Amali, l'ijma al-zarouri, l'imam Ahmed, il le voit. Ma yunkil l'ijma abadan. Lui vise par là, l'ijma al-sukuti. Car c'est celui par lequel des gens de la bida sont basés pour pouvoir affirmer leur égarement. Pour dire, ils disent telle et telle chose. Alim Foulani, il n'a rien dit. C'est qu'il est d'accord. El-Sheikh Foulani n'a rien dit. C'est qu'il est d'accord. Jusqu'aujourd'hui, on voit ça. Mais pourquoi Sheikh Foulani ne parle pas? Pourquoi Sheikh Foulani ne parle pas? Pourquoi il dit? C'est qu'il est d'accord. On dit non, mais il y a le Le fait qu'il ne parle pas ne veut pas dire qu'il est forcément d'accord. Donc, il a dit ce tijma là par rapport au soukout. Il est, quand même, il n'est pas mortabar. Fil haqiqa. Et il n'est pas possible que ce kalam-là également se voit, vienne dans l'ijma vonni. Car des fois, tu ramènes l'ijma de beaucoup de ulama, mais tu ne les as pas tous connus. Il se peut qu'un alim parmi eux n'ait pas été muwafiq bil akharin fi masalatin ma. Qal, wa'alam anna l'ummata la yumkinu an tajma' ala khilaf dalil sahihin sarihin ghala mansukh. Qu'il n'est pas possible que la umma se réunisse lorsqu'il s'oppose à un dalil authentique, clair, qu'il ne soit pas abrogé. فَإِنَّهَا لَا تَجْمَعْ إِلَّا عَلَى حَقِّ فَإِذَا رَأَيْتَ إِجْمَاعًا تَظُنُّهُ مُخَالَفًا لِذَلِكَ فَانْظُرْ فَإِمَّا يَكُونَ الدَّلِيلُ غَيْرَ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرَ صَرِيحٍ أَوْ مَنْسُوخًا أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٍ لَا تَعْلَمْهُ لَمْ تَعْلَمْهُ. Car la umma, comme on l'a dit au début, ne s'unit que sur le haq. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'a pris le hadith. Donc si jamais tu vois un ijma que toi, tu t'imagines s'opposer à un dalil que tu connaîtrais, par exemple, tu connais un hadith, tu te dis, tiens, l'ijma, il contredit ce que je connais du hadith. Soit, c'est que le hadith que tu as, le dalil que tu as, il n'est pas authentique, ou soit il n'est pas clair, tu l'as mal compris. Ou soit, il était abrogé, et tu n'es pas au courant. Ou alors, la mas'ala, on t'a dit qu'il y a ijma, alors qu'il n'y a pas ijma. Il y a un khilaf que tu ne connais pas. Il faut faire attention dans les ijma'at. Quelles sont les shurut et l'ijma? Les conditions. Awalen. أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. Donc ça veut dire qu'il était, ce tijma, il est confirmé et qu'il est connu auprès des ulama. Il y a des choses sur lesquelles les ulama disent qu'il y a ijma et c'est connu auprès d'eux. Ils te diront tous, al-mas'ala fi ijma ma'rouf. Ou que celui qui avance ce tijma, c'est un thiqa, qui a des grandes connaissances, qui connaît beaucoup de paroles de ulama, comme Cheikh al-Islam, mathalan. Beaucoup d'ijma'at rapportés par Cheikh al-Islam sont prises en considération. Il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible, mais le asl, c'est que son kalam, lorsqu'il dit qu'il y a ijma' là-dessus, on fait attention. Cheikh al-Islam dit qu'il y a ijma', c'est pas à prendre à la légère. Thaniyan, an la yasbiqu khilaf mustaqir. Fa in sabaqa dhalika fala ijma'. لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. مثلا qui ne soit pas dévancé, qui n'ait pas été précédé par un khilaf, qui était établi. Car par la suite, il ne sera pas un ijma'. Mathalan, tu as eu une mas'ala entre des ulama de une époque, ils divergeaient sur un point. Et par la suite, d'autres personnes sont venues par la suite, et sont unies sur la mas'ala. On dit que ce n'est pas un ijma'. Ça. Pourquoi ? Parce qu'avant vous, les gens ont divergé sur cette mas'ala-là. Ils ont divergé. Par contre, si jamais ce sont les mêmes personnes, c'est la même génération, sur le mas'ala, il y avait khilaf. Entre 5 ulama, il y avait un khilaf sur le mas'ala. 3 étaient d'accord sur un point, et 2 n'étaient pas d'accord. Et au final, ces deux autres ont rejoint les 5 autres. Ils sont morts là-dessus. Là, on dit nam, c'est un ijmar celui-là. Car à la fin, ils sont revenus. Fajtama'u ala hada. Maintenant, si c'est une autre génération qui vient après eux, c'est-à-dire ils sont morts sur le khilaf, et d'autres gens viennent après eux, et les shtamiroun ala shay, on dirait qu'il y avait khilaf dans la mas'ala. Par contre, l'inverse, ça marche. C'est un ijmar qui était moins. Ah, l'ijmar des salafs, celui-là, il est thabit. L'ijmar des salafs, et comme l'a dit Cheikh Al-Islam, c'est celui qui est mortaba. Celui-là, quand on connaît, celui-là, il est pas, tu peux pas l'annuler. قال فالإجماع لا يرفع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف car l'ijma il n'annule pas une divergence qui a précédé mais juste quoi cet ijma qui viendra par la suite va empêcher un nouveau khilaf هذا هو القول الراجح لقوة مخذه comme le cheikh le dit et lui voit que c'est quoi le راجح c'est-à-dire là, ce que je viens de te dire là maintenant là il y a pas ijma dessus وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في عصر الثاني على أحد أقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. Qu'il se peut que justement cet ijma qui se fasse dans la deuxième génération soit un argument pour ceux d'après eux. Ceux qui se mettent d'accord sur un point, leur ijma à eux, qui a été devancé par un khilaf, sur l'ijma de cette génération-là, serait un hujja pour ceux qui viendront d'après eux. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجتمعين المجمعين نعم المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس في اشتراط انقراض العصر لأن الإجماع حصل الساعة واتفاقهم فما الذي يرفعه donc là c'était l'avis de ceux qui voient que l'Ijma président Khilaf Mustaqir devient lui-même un ijma' par la suite. Donc là, nous avons fait une différence entre ceux du même génération qui reviennent sur leur call et qui yajtamiroun fi akhir et ceux qui sont mensuellement sur un khilaf et une nouvelle génération vient derrière. Tajtami' ala shay. Les sahaba sont mensuellement mujtami'in sur le mas'ala. On ne peut pas venir derrière eux mensuellement et s'opposer à cet ijma'. Non, des fois, tu as des ijma' qui n'ont pas été... Attention. T'as des gens, leur ijma, leur khilaf, il est pas pris en considération. Marafidi, ou je sais pas moi, une tête des gens de la bid'a, qui a atteint un stade grave, son le shi'a, le khilaf des shi'a, il est pas mortaba. Et je parle pas des shi'a, rafida, je parle des shi'a, shi'a. Ceux qui sont des moutadiyas, qui sont pas des arrivent au stade du kouf. Leur khilaf, il est pas pris en considération. Donc, comme je te l'ai expliqué, il y a un khilaf sur ce que vient de dire le shir, il y en a qui ne voient pas comme lui. D'ailleurs, shir Shamiri, dans son ta'liq, ne voit pas comme shir Ibn al-Thaymin. Il dit par exemple que si les tabi'oun étaient sur un khilaf, mathalan, et ensuite vient les atba' tabi'in avec un autre call sur lequel ils sont tous unanimes. Il dit que cette unanimité deviendrait une hujja pour ceux d'après eux. Et tu n'as pas le droit de revenir en arrière prendre le khilaf de ce qui t'a avant. طيب ثم قال إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكره مع قدرته من الإنكار فقيل يكون إجماعا donc là il va citer justement إجماع سكوتي وقيل يكون حجة لا إجماعا c'est-à-dire on dit c'est une حجة c'est pas un إجماع وقيل ليس بإجماع ولا حجة c'est ni l'un ni l'autre وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. Il y en a qui disent que si jamais les gens de ce khilaf, ou plutôt les gens de cet avis, finissent tous par disparaître, tous par mourir, sans que personne ne les blâme, ils vont dire qu'il y en a, ils vont dire non, ça c'est un ijma. لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. Car le fait que les gens soient tués jusqu'à là, ce qu'ils meurent, qu'ils disparaissent, cela démontre qu'ils sont d'accord. Et lui, le chier, il voit que cet avis-là est le plus correct. Et c'est l'avis du Jumhur également, qu'il voit que l'ijma sukuti, ce n'est pas un ijma. L'ijma sukuti, ce n'est pas un ijma. Et des fois, tu verras, comme il l'a dit Cheikh Fath, Al-Qadassi, des fois, tu vas dire, Ajma'u ala kaza wa kaza. Ce qaul, c'est le plus haut. Après, tu vas entendre également Ittafaqu ala kaza wa kaza. Ce qu'on-là, il est en dessous. Et tu verras des ulama qui diront, مثلاً, la na'lam khilafan, on ne connaît pas de divergence sur ce point-là. Et ça, c'est en dessous encore. Et ça, c'est le qu'on qui est ahwet. Il y a qu'on ma'lam khilafan. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas de khilaf là-dessus. Plutôt quelqu'un qui dit ajma'u, c'est-à-dire, il affirme qu'il n'y a pas de khilaf. L'autre dit juste, je ne connais pas de khilaf, moi. Ça veut dire qu'il y a toujours une éventualité qu'il y a un khilaf, qui n'est pas connu. Quand quelqu'un te dit « Ajma'u wa la hadha », yuzbit al-ijma'. Yuzbit al-ijma'. Et quand on te dit « Ijma' son mas'ala », que tu connais, ramène-le à son qa'il. Dis « Cheikh Foulain yakul anna mas'ala fiya ijma'. » Ayyab anna mas'alata fiya ijma'. Tu dis « Man qala hadha, Cheikh Foulain. » Ou tu dis « C'est un ijma' qui est connu. » Par exemple. هذا الذي أخذنا اليوم وهو الإجماع مفهوم هذا فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك